France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Dans le premier épisode du documentaire sur le chant du chardonneret, diffusé hier, nous avons découvert, grâce à Seam Boutata et François Test, que le chardonneret est un oiseau fragile et sensible, que sa reproduction en cage est difficile, et que bien plus qu'un simple animal de compagnie, il est choyé et dorloté comme un véritable trésor. Un trésor en photo que l'on peut aller voir sur le site d'une histoire particulière, mais surtout un trésor qui nous berce par son chant si mélodieux. C'est un gazouillis fluide et répété, dont les sticklites et les didlites s'entremêlent. Son agressivité se traduit par un crrrr guttural. Mais je suis incapable de vous faire son chant nuptial. Non, non, n'insistez pas. La meilleure chose à faire est plutôt d'écouter tout de suite le second épisode qui va suivre pour en apprendre encore plus sur le chardonneret élégant. Au Cine élevait des oiseaux de prix derrière la place des Trois Horloges, des chardonnerets d'Alger, des vrais. Il en possédait toujours au moins une dizaine et n'avait jamais eu d'autre métier, ayant statut d'expert dans tout Bab el Oued et au-delà. Reconnaissait chaque espèce, ses caractéristiques et son métabolisme, pouvait citer à l'oreille la provenance de l'oiseau, voire le nom de sa forêt natale. On venait de loin pour requérir ses services, pour authentifier, estimer, lever les escroqueries. Ossine ne travaillait pas avec les réseaux, mais chassait lui-même, seul, à la glu. Partait en randonnée plusieurs jours, prétendait avoir ses coins dans les vallées de Béjaïa et de Kolo, et de retour, passait le plus clair de son temps à chérir ses prises. La supériorité d'un chardonneret sur un autre se mesurant à la beauté de son chant, il œuvrait à leur apprendre des airs. Ceux de Soukaras avaient la réputation de pouvoir en mémoriser une quantité, usant alors d'un vieux magnétocassette qui diffusait au matin sa mélodie en boucle, ne souscrivant guère aux méthodes des éleveurs plus jeunes, couvrir la cage, y faire de fente, y inciser des écouteurs MP3 qui fonctionnaient toute la nuit. Mais l'émotion du chardonneret excédait la musicalité de son chant et tenait surtout de la géographie. Son chant matérialisait un territoire, vallée, cité, montagne, bois, colline, ruisseau. Il faisait apparaître un paysage, éprouver une topographie, tâter d'un sol et d'un climat. Un morceau du puzzle planétaire prenait forme dans son bec. Et comme la sorcière du conte crachait des crapauds et des diamants, comme le corbeau de la fable se délestait du fromage, le chardonneret expectorait une entité solide, odorante, tactile et colorée. Les 11 de Haussine, une variété, livraient ainsi la cartographie sonore d'une zone immense. Le chant du chardonneret, par Seam Boutata et François Test. Aujourd'hui, symbolique et imaginaire. Il a des ailes jaunes et noires. Il a le torse beige, un peu doré d'ailleurs. Il a une tête rouge. Il faut quand même, avant toute chose, souligner la beauté de cet oiseau. C'est vraiment extrêmement joli, un chardonneret. En plus, ils sont presque toujours en groupe. Et donc, un vol, c'est peut-être un terme un peu grandiose, mais une poignée, une volée de chardonnerets comme ça, qui est au-dessus d'une prairie en friche, c'est magnifique. Oui, il y a du jaune sur la poitrine, je pense, sur les ailes, du beige sur le dessus, la grosse tache rouge là, sur le visage. Enfin, c'est un oiseau très coloré, quoi, un peu un arlequin d'ailleurs, presque un peu ridicule si on regarde sous cet angle, mais c'est magnifique. Et puis niveau chant, il faut imaginer un jazzman en fait. Je sais pas, un trompettiste, imaginez Miles Davis en chant d'oiseau. Qu'est-ce que ça donne? Et ça peut être ça en fait, parce que pour moi c'est des solo jazz qui font les chardonnerets. Depuis l'Antiquité, le chardonneret éveille l'imagination des artistes. Musiciens, peintres, écrivains et plasticiens se sont inspirés de sa beauté et de son chant exceptionnel. Dans son roman « Réparer les vivants », dont l'essentiel de l'intrigue se déroule en France, Maëlys de Kerangal emmène son lecteur à Bab el Oued en Algérie. L'un de ses personnages, Thomas Rémige, y fait l'acquisition d'un chardonneret pour une valeur de 3000 euros. Chardonneret, c'est un oiseau minuscule. qui a une toute petite tête, souvent un bec conique et un abdomen très important, et on dit qu'il est tout en gorge. Et c'est un oiseau qui se distingue et qui est célèbre et fameux grâce à son chant, grâce à sa capacité de vocalise. Et la manière dont moi j'ai eu connaissance de cet oiseau, auquel je ne m'étais pas vraiment intéressée auparavant, enfin en tout cas avant d'écrire ce livre, c'est lors d'un voyage à Alger, justement en descendant la Casbah d'Alger, je voyais ces cages devant les maisons, ces cages qui étaient vides, et j'ai demandé mais où sont les oiseaux, etc. Et on me disait, mais les oiseaux sont tellement précieux, ce sont tellement des trésors, les Algérois aiment tellement les chardonnerets. D'abord, ce sont des cages pour les chardonnerets, et les Algérois les considèrent comme étant de tels trésors qu'ils les gardent à l'intérieur des maisons. Et alors devant, on avait des perruches, des serins, etc., mais pas de chardonnerets. Et dans ces cas-là, la cage était vide. Et j'avais été... je m'étais dit, mais alors pourquoi fait-il l'objet d'une telle attention de la part... des Algérois, parce qu'en fait, après ça m'a été redit que c'était un peu l'oiseau d'Alger, etc. Et alors est revenue cette histoire de chant. Et pas n'importe quel chant, parce qu'en fait les oiseaux qui chantent sont évidemment nombreux et beaucoup d'oiseaux qui ont des chants merveilleux. Le chardonneret, il a cette capacité à chanter un chant qu'on lui enseigne. C'est-à-dire qu'il peut apprendre à chanter, et il peut apprendre à chanter des chants qu'on lui enseigne. Et plus intéressant encore pour moi, il a la manière dont il chante en donne la provenance géographique. Le chardonneret de la vallée de Kolo n'aura pas le même chant que celui de la forêt de Bainem. Ça faisait pour moi de cet oiseau un oiseau extraordinaire qui finalement chantait davantage le paysage dans lequel il avait grandi, ce qui correspondrait un peu à l'accent, vous voyez, quand on a l'accent du pays, etc., à l'accent d'une région. Et je trouvais ça assez magnifique. Et je sentais en plus, il y avait dans ce livre toute une piste narrative, mais aussi analogique, un peu poétique, symbolique autour du chant. Et donc ce garçon, Thomas Remisch, qui est le coordinateur de la transplantation et qui du coup est comme un ange, qui déploie un peu ses ailes au-dessus de tout le processus et qui est en plus celui qui est en charge de l'annonce aux familles, c'est quelqu'un, quand on le connaît dans le livre, il est nu et il chante. Et il chante un air de Jeremy Britten qui est comme une envolée d'oiseaux. Donc vous voyez, à la fois les oiseaux et le chant se tissent immédiatement autour de sa silhouette. Et ça, c'était pas mal. Et c'est quelqu'un, Thomas Remisch, donc ce personnage, qui apprend à connaître son corps, qui prend conscience de son corps par le chant. Et alors, vous nous dites que cet oiseau, lui en coûte 3000 euros. Ouais. C'est pas un peu exagéré ? Non, non, pas du tout. C'est un oiseau qui est très cher. Et par exemple, le chardonneret blanc, je me souviens que c'est 10 000 euros pièce. Et en fait, évidemment que autour de cet oiseau, il y a cette... D'abord, il y a sa petitesse est évidemment inversement proportionnelle à son aura et à sa valeur. Il est l'objet d'un braconnage très intensif, plutôt d'ailleurs du côté marocain. Il disparaît, il est menacé. Et en fait, ça devient un oiseau de prix qui s'échange dans des marchés. Voilà, je citais dans le livre le marché d'El Arach, qui est un peu à l'est de la ville. Et c'est un oiseau qui est très convoité et qui devient rare et donc qui est de plus en plus cher. 3000 euros, c'est un prix de base. Je crois que vraiment, le chardonneret blanc, 10 000 euros. Vraiment. Le traquet kurde n'est pas le seul oiseau à susciter l'intérêt de Jean Rollin. Passionné d'ornithologie, l'écrivain voyageur a souvent croisé la route du chardonneret. Bon, alors sur le chardonneret, l'oiseau en question fait l'objet donc d'un braconnage et d'un trafic monstrueux, enfin à très très grande échelle, dans la plupart des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. À mon avis, d'ailleurs, c'est un truc qui vient des Turcs, enfin plus précisément des Ottomans. Je ne l'ai pas vérifié, mais probablement le pays le plus massivement adonné à l'élevage, je puis dire, du chardonneret en captivité, c'est la Turquie. avec des concours de chant, etc. Et comme les Turcs ont quand même conquis la plus grande partie du bassin méditerranéen, je pense qu'ils ont propagé ça comme les loukoums et comme un tas d'autres choses. Mais à mon avis, c'est un truc turc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fait partie des choses extrêmement nombreuses qui étaient tout à fait concevables quand les oiseaux étaient très nombreux et les hommes beaucoup moins. Aujourd'hui, ça devient extrêmement fâcheux parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins d'oiseaux. Que des gens aiment, il y a quelque chose aussi de sympathique dans le fait que des gens aiment voir un oiseau très joli, entendre son chant, etc. Le problème, c'est que c'est l'échelle, quoi. C'est-à-dire, maintenant, ça se pratique à une telle échelle que ça met l'espèce gravement en danger. Enfin, désormais, le chardonneret, je crois qu'il y avait une sous-espèce qu'on trouvait dans le Maghreb, enfin, plus particulièrement en Algérie, je pense, qui a à peu près disparu. Et certainement du fait de ce trafic. Alors, aussi de la destruction de l'environnement, etc. Mais certainement aussi du trafic. En fait, j'ai rencontré quelqu'un à Beyrouth qui s'intéresse beaucoup à ces questions, hein. Bon, il se trouve que là, c'est dans la banlieue sud. Donc, quartier Hezbollah, mais en même temps, je ne veux pas du tout en faire une affaire politique ou même religieuse, parce que je crois que toutes les communautés au Liban s'adonnent à la capture et au trafic du chardonneret avec la même ardeur. Donc, c'est pareil. Il se trouve que là, cette boutique, qui est quand même certainement une des mieux achalandées que j'ai visitées, on a compté, c'était assez facile, parce qu'ils sont tous dans des cages standardisées. À vue de nez, il y avait 1200 chardonnerets dans cette boutique. 1200 chardonnerets vivants. Et comme on considère que pour 1000 qui survivent, il a fallu en désinguer à peu près 10 000, à peu près 10 fois plus. Quoi. Et il les vendait quand même, le gars, pour 40 € pièce, 40 $, pardon. Donc ça représente de l'argent, si vous voyez. 1000 fois 40 $, ça fait pas mal d'argent. Ça brasse des sommes suffisantes d'argent pour ne plus être seulement une activité de bricoleur, quoi. Ça peut devenir un vrai trafic. Donc ça peut aussi alimenter des groupes criminels, même éventuellement d'ailleurs des groupes djihadistes ou des, voilà, c'est pas, ça peut être une source secondaire, mais non négligeable de revenus. D'autant plus que le rapport risque-profit est très avantageux, puisque jusqu'à maintenant, les peines de prison ou d'amende sont très faibles, et les gains importants. Et par ailleurs, moi, ce que j'avais observé, la seule chose que j'ai fait, il y avait deux trucs. Il y avait la découverte de cette boutique, donc de la banlieue sud de Beyrouth, et auparavant, longtemps auparavant, la découverte de ce qu'on appelle les puces de Marseille. Vraiment au fin fond de ces puces, de ce marché, j'avais vu deux types qui avaient absolument des allures de salafistes, djihadistes, enfin comme on voudra. Des mecs en battle dress, grandes barbouzes, calottes, etc. Enfin, en gros, ils avaient quand même vraiment une dégaine d'islamistes radicaux, quoi, voilà, et qui vendaient, donc en toute illégalité, des chardonnerets. Et des ce qu'on appelle des mulets, je crois, c'est-à-dire des croisements de chardonnerets et de canaries. Et alors là aussi, ça coûtait cher, vraiment. Oussama Tapti, vous êtes un artiste plasticien algérien installé à Marseille. Et en 2017, vous avez réalisé une installation sonore qui diffusait le chant d'un chardonneret. Mm-hmm. Pourquoi le chardonneret ? En fait, parce que ça part de l'histoire d'un musicien et compositeur de musique chaabia algérienne qui s'appelle Mohamed El Badji et qui, pendant la colonisation, était emprisonné à la prison de Serkadji sur les hauteurs d'Alger. Et donc, il avait pour habitude de faire l'appel à la prière. Et donc, suite à une phrase d'un gardien de prison où il y a dit « chante comme un oiseau dans ta cage, chante ton amour ou ta rage », il s'est rendu compte de l'importance de la liberté, en fait. En fait, c'est une phrase qui l'a vraiment touché. Et elle l'a poussé à écrire la fameuse chanson de Mqnin Zin, c'est « Joli chardonneret ». C'est à partir de là que j'ai créé cette pièce, et en fait, c'était aussi pour questionner la notion de la liberté telle qu'elle est dictée aujourd'hui en Occident à travers ces médias où on a l'impression qu'il y a un seul modèle de liberté et que on peut jamais être, c'est-à-dire avoir une confession religieuse et être libre en même temps. Alors que le monsieur, était, il y a 60 ans, il était emprisonné. Sa seule liberté, en fait, c'était de pouvoir faire l'appel à la prière, ce qui lui permettait de s'échapper en quelque sorte. Alors il dit, « Y'a l'maqnin zin, y'a s'far l'jinhin, y'a l'hamar l'khaddin, y'a k'hil l'aynin, y'a m'daw s'nin, m'unta fulq fuzhzin, etc. » Je saurais plus, j'ai oublié le reste de... Mais je vous invite tous à voir aussi, déjà à écouter cette chanson, et à voir le, aussi le clip qu'il a réalisé dans les années 60, où il s'est mis lui-même dans une cage. On voit des barreaux comme ça. Et à l'intérieur de la cage, il y a aussi un oiseau dans sa cage. En fait. Et la traduction des paroles que vous venez de citer ? Et en fait, au début, il décrit, il dit que « aux jolies chardonnerets, aux joues rouges, aux ailes jaunes, ça fait des mois et des années que vous êtes triste dans ta cage. Quelque chose du genre. Voilà. » Mais en arabe, c'est mieux. Il faut comprendre l'arabe, je pense. المقانين الزان اصفر الجنحان احمر الخدان ياك حي العينان هادي مده وسنان تفرق بصحتين تغني بسود حنين لا من نبام ولا Après, il faut savoir aussi que Chardonneret a cette importance, il est un petit peu comme vénéré en fait dans la société algérienne. J'ai grandi dans un quartier populaire à Alger et il y avait toujours le voisin qui avait un chardonneret ou plusieurs chardonnerets sur sa fenêtre. C'est comme en Occident, on aime les chats et les chiens. Je pense qu'au Maghreb, en Algérie, on aime les chardonnerets. Dans les cages, certes, mais j'ai connu aussi des éleveurs qui avaient des chardonnerets en liberté. C'est aussi une espèce qui est très fragile. Il faut vraiment être connaisseur, en fait. Parce qu'il y a une période où il passe de jeune à vieux. Et là, il est très fragilisé, donc il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il faut le sortir, quand est-ce qu'il faut qu'il soit à l'intérieur. Vous êtes installé à Marseille. Mmh. Est-ce que vous en avez vu ? Oui, j'ai fait l'école d'Alger, les Beaux-Arts d'Alger, ensuite à Aix-en-Provence. Et quand j'étais en train de travailler sur cette installation, il y avait une prof à moi qui m'a dit « Va au Puce de Marseille et tu vas voir, rencontrer quelques vendeurs de chardon ». Le chardon, ici on l'appelle le chardon. Et du coup, je suis allé, mais le contact ne s'est pas très très très bien passé. Sinon, de temps en temps, quand je vais vers Belzunce ou à Noailles, j'entends. Je les entends, mais sans savoir d'où vient le chant, mais je les entends en fait. Il faut rappeler que Belzunce et Noailles sont deux quartiers où il y a une grande communauté algérienne. Donc il y a cette culture un petit peu qui se véhicule. شي مكتوب ملاح مطندر لازم نصبر نبي يوسف ما بدر الروكي مثل Autre support, autre temps, avec Tatiana Mignot, historienne de l'art. Celle-ci, hein. Oui, voilà, c'est celle-là. Donc nous avons devant nous la Vierge aux chardonnerets qui a été peinte par Raphaël au tout début du XVIe siècle. C'est une des œuvres les plus célèbres du maître car elle représente vraiment la typologie classique de la Madone de Raphaël, c'est-à-dire donc une Vierge à l'enfant assise dans un paysage et qui est ici accompagnée du petit Saint-Jean-Baptiste. Alors régulièrement, Raphaël va utiliser, on pourrait dire, des accessoires, un livre, ou ici ben, un oiseau, en l'occurrence un chardonneret. On peut bien d'ailleurs l'identifier, c'est un des cas où on identifie particulièrement bien le chardonneret d'ailleurs. Et Jean-Baptiste est en train justement de présenter le petit oiseau à l'enfant, et on voit que la Vierge a un regard un peu résigné, protecteur, du fait de la symbolique du chardonneret. D'ailleurs, sur cette symbolique du chardonneret, qui est assez multiple, hein, c'est un oiseau qu'on retrouve assez régulièrement, en fin de compte, dans la peinture. Il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. La première chose, c'est un oiseau qui est plutôt charmant, qui a l'avantage de présenter un peu de couleur. Donc, d'un point de vue esthétique, c'est plutôt intéressant pour un peintre. Et ensuite, il a une symbolique très chargée. Vous pouvez nous décrire ses couleurs ? Alors oui, il a une petite tache rouge sur la tête, qui est particulièrement importante, et une tache jaune sur l'aile, qui est plutôt vive, ce qui permet de donner un peu d'éclat en général à la peinture. Alors la tache rouge, elle est importante, puisque comme toute couleur rouge dans la peinture religieuse, en tout cas chrétienne. Elle va venir évoquer le sacrifice du Christ, le sang du Christ, et d'autant plus avec le chardonneret, puisqu'il y a une légende, dont il est difficile d'ailleurs de retrouver la source, qui dit qu'en fait, au moment du portement de croix, un oiseau qu'on identifie donc avec le chardonneret est pris de pitié envers le Christ, s'approche de lui et vient retirer les épines qui sont encore plantées dans son front. Et en retirant une des épines, il va prendre une petite giclée de sang sur la tête. Et donc Dieu lui aurait laissé cette trace justement en signe de sa grande pitié, de sa miséricorde, ce qui en fait donc une allusion en fait au sacrifice du Christ, mais aussi à la rédemption. D'où l'importance de cette tache rouge, et voilà pourquoi on retrouve notamment le chardonneret dans toutes les peintures, enfin pas toutes les peintures, mais dans beaucoup de peintures où on a le Christ enfant, puisque ça permet de créer en fait un raccourci de l'histoire donc du Christ, de son enfance jusqu'à son sacrifice. On sait combien il y a eu de toiles qui représentaient le chardonneret, on a une idée? Alors il y a un érudit qui s'appelle Herbert Freeman, qui dans les années 40 a publié un ouvrage sur le chardonneret, donc il le dit lui-même, il a essayé d'être exhaustif, mais il en est pas sûr, et il compte, si je me trompe pas, 486 peintures, en tout cas un tout petit peu moins de 500. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il travaille parfois sur des photos en noir et blanc, donc il pense qu'il s'agit d'un chardonneret, mais vu qu'il n'y a pas la couleur, il en est pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Après, est-ce que les artistes parfois ont voulu vraiment représenter un chardonneret ou ont voulu représenter le concept d'oiseau, puisque l'oiseau depuis l'Antiquité représente l'âme. Donc c'est vrai qu'en plus, dans le contexte chrétien, cette idée de l'âme qui monte vers le ciel est particulièrement importante. Chardonneret, oiseau, l'un pour l'autre, il est parfois difficile en fait de le savoir. Et quand vous dites 486 toiles, c'est 486 toiles de la Renaissance? Alors, il a répertorié principalement sur la période fin 14e jusqu'à fin 16e siècle. En tout cas, c'est un oiseau qui est très connu en Europe, très présent en Italie, en France, en Russie, en Angleterre, en Allemagne. Donc, c'est sans doute ça qui explique qu'on le retrouve un petit peu partout. Et c'est un oiseau qui était domestiqué, qui faisait partie des animaux de compagnie, aussi surprenant que ça puisse paraître pour nous aujourd'hui. On lui apprenait des petits tours, notamment ouvrir le couvercle de sa mangeoire pour se servir, à puiser l'eau dans son abreuvoir avec un seau minuscule en forme de dé à coudre. Et c'est vrai que dans les cours, notamment, cet oiseau était particulièrement prisé. Et à Florence, chez les Médicis, on a un portrait de Giovanni de Médicis enfant avec un petit chardonneret. Donc c'était peut-être un animal de compagnie qui était très répandu dans les familles riches italiennes. Est-ce que c'est ça qui explique l'omniprésence du chardonneret dans ce type de peinture-là? Bon, difficile à dire. Le chant du chardonneret, c'est pas une lente mélodie, hein, c'est extrêmement éclatant et vif. Et après, évidemment, il y a aussi cette façon de monter dans les aigus et de redescendre dans les graves. C'est-à-dire que c'est aussi un oiseau qui a la capacité de voyager, lui, un peu dans toutes les hauteurs de la gamme. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est l'aspect très vif. Ce tout petit bec conique, les toutes petites têtes, l'énorme abdomen un peu disproportionné, un peu comme un chanteur d'opéra, etc. Et de cette toute petite créature, un chant quand même si puissant et si vif au sens de sa rapidité, de sa fermeté, de sa force, ça m'avait pas mal impressionné quand même. Ce qui m'avait frappé et ce que m'avait raconté cette amie quand on avait traversé tout le vieux quartier, toute la vieille Casbah d'Alger, donc c'est quand même qui est en pente, et alors ça traversait, ça prend un peu moins une heure ou deux, donc on voyait les maisons. C'était évidemment qu'il insistait beaucoup sur les relations entre justement les éleveurs de chardonneret et leurs oiseaux, qui sont des relations qui ne se réduisent pas à la valeur pécuniaire de l'oiseau. ou en plus se noue en tout cas une relation d'une grande tendresse. Et il me disait, mais si les oiseaux ne sont pas dans les cages, d'abord c'est qu'on les protège parce qu'il y a des jaloux, donc on les met à l'intérieur des maisons, et en fait on les sort à certains moments donnés, on les met dehors parce qu'il faut qu'ils s'aèrent un peu, etc. Et il y avait tout un soin autour de l'oiseau qui se nourrissait, alors voilà, avec ses graines de millet, il y a ses cages, les petites couvertures, on fait très attention qu'ils aient, parfois c'est un peu comme des petites cantatrices, il faut protéger leur gorge. Et ça m'avait assez touchée. Voyez, l'idée que cet oiseau si petit, si mélodieux, si vif, mais une présence assez fragile en termes de, voyez, corpulence, ça pèse rien, etc., soit l'oiseau chéri de toute une cité. Et comme vous disiez, le chardonneret est un bon imitateur. Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que... C'est pour ça que je disais que c'était un peu comme mon avatar dans le livre. Je disais, mais ma présence, on me disait, mais alors vous, c'est qui votre personnage et tout ça, et de qui vous vous sentez le plus proche? Et je disais, mais en fait, moi, je suis le chardonneret, parce que moi, je prends l'accent des autres, vous voyez, je prends la voix des différents paysages et tout ça. Enfin, j'aimais bien cette idée-là, sur ça, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect d'imitation, cet oiseau-là, le chardonneret, par son chant et par ses ailes, figurait exactement ce qu'était ce livre. Parce que dès le début, quand j'avais commencé à rêver ou à désirer ou à imaginer, à penser à ce livre, évidemment que cette migration d'un corps à l'autre, d'un organe d'un corps à l'autre, je la voyais volant. Enfin, vous voyez, j'imaginais, je me disais, bon, il va falloir tracer la trajectoire de ce cœur d'un corps à l'autre, une trajectoire peut-être dans les airs, mais vous voyez, pour moi, ça ne me semblait pas débile sur le plan imaginaire que ça puisse voler, qu'il y avait quelque chose là qui tenait des oiseaux. Il y a cette présence un peu d'un espèce d'ange, donc de Thomas, que je voyais quand même avec Rémy, c'est-à-dire vraiment avec ses plumes. Et en fait, pour moi, tout est très... Il y a un tissage très connecté, il y a un tissage d'écho qui place le livre un peu sous une résonance qui pourrait être celle du chardonneret, c'est-à-dire à la fois le chant et puis l'oiseau, la part céleste, en fait. C'était le chant du chardonneret, aujourd'hui symbolique et imaginaire, avec Maïlys de Kerangal, Jean Rollin, Oussama Tapti et Tatiana Mignot. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Séam Boutata et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour notre dernière histoire de la saison. Nous ferons la course. ICO, matelot ! Mais c'est une autre histoire.